« Madame Marneffe, vous a-t-elle jamais parlé de ce cousin-là » demanda Crevel au baron Hulot. « Jamais, » répondit le baron en se levant. « Assez pour ce soir, » ajouta-t-il. « Je perds 2 louis, les voici. » Il jeta 2 pièces d'or sur la table et alla s'asseoir sur le divan d'un air que tout le monde interpréta comme un avis de s'en aller. Monsieur et Madame Coquet, après avoir échangé 2 mots, quittèrent le salon, et Claude Vignon, au désespoir, les imita. Ces 2 sorties entraînèrent les personnes inintelligentes qui se virent de trop. Le baron et Crevel restèrent seuls, sans se dire un mot. Hulot, qui finit par ne plus apercevoir Crevel, alla sur la pointe des pieds écouter à la porte de la chambre, et il fit un bond prodigieux en arrière, car M. Marneffe ouvrit la porte, se montra le front serein, et parut étonné de ne trouver que 2 personnes. « Et le thé ? » dit-il. « Où est donc Valérie ? » répondit le baron, furieux. « Ma femme ? » réplique Marneffe. « Mais elle est montée chez mademoiselle votre cousine. Elle va revenir. »« Et pourquoi nous a-t-elle planté là pour cette stupide chèvre ?»« Mais, » dit Marneffe, « mademoiselle Lisbeth est arrivée de chez madame la baronne votre femme avec une espèce d'indigestion. » Et Mathurine a demandé du thé à Valérie, qui vient d'aller voir ce qu'a mademoiselle votre cousine. « Et le cousin ? Il est parti. »« Vous croyez cela ? » dit le baron. « Je l'ai mis en voiture, » répondit Marneffe, avec un affreux sourire. Le roulement d'une voiture se fit entendre dans la rue Vanneau.